Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611-1626 et la période de 1632 à 1641. Québec. Augustin Côté, éditeur-imprimeur, près de l'archevêché, 1858. Relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle-France en l'année 1633. Envoyé au révérend père Barthélemy Jacquinot, provincial de la Compagnie de Jésus, à la province de France, par le père Paul le Jeune, de la même compagnie, supérieur de la résidence de Québec. Relation de 1633. Quatrième partie. Le 21 de décembre, le bon Dieu nous donna deux petits pensionnaires. Manitou Gache, nous ayant présenté un petit à qui il avait sauvé la vie, nous l'acceptâmes. Et, comme nous étions en crainte qu'il ne s'ennuyât tout seul, nous pensions à en trouver encore un autre pour lui tenir compagnie. Au même temps, voilà une femme qui entre chez nous avec son petit-fils, âgé d'environ 7 ans. Nous le regardions, disant l'un à l'autre, « Oh, voilà ce qu'il nous faudrait !» Je prends la parole et m'adresse à sa mère, lui demandant si elle ne voudrait pas bien nous donner son enfant, que nous le nourririons le mieux qu'il nous serait possible. « Hélas, dit-elle, il était venu ici pour prier Manitou Gache de vous le présenter et vous supplier de l'accepter. » Dieu sait si nous fûmes contents. Oh, que sa providence est admirable. Le plus âgé que nous a donné Manitou Gache n'a ni père ni mère. Celui-là nous est bien assuré. Nous lui avons donné nom Fortuné en attendant qu'il soit capable d'être baptisé. Oh, qu'il a rencontré une bonne fortune! Étant à Tadoussac, comme il était délaissé de tout le monde, un sauvage présenta une arquebuse à notre Pierre, lui disant « Tue ce misérable enfant. Aussi bien, n'ayant point de parents, il sera toute sa vie abandonné de chacun. » Notre sauvage, entendant cela, en eut compassion. Il le retira et l'a nourri jusqu'à présent qu'il nous l'a donné. Nous avons appelé le plus jeune « Bienvenu ». Celui-ci a de l'esprit. Il est de naturel complaisant et flatteur. Nous ne sommes pas si assurés qu'il nous demeure, car les sauvages sont extrêmement changeants et volages. Un sien parent, attendant qu'il nous était donné, s'y voulut opposer, disant que leur capitaine avait défendu qu'on ne donnât aucun enfant aux Français. La mère de l'enfant survient là-dessus et dit que le capitaine n'a point nourri son fils et, par conséquent, que ce n'est pas à lui d'en disposer, si bien à elle, qui en était la mère, et qu'il l'avait toujours élevé dès sa jeunesse. Le père de l'enfant, ayant su que son ancienne femme, qu'il a quittée, nous l'avait donnée, en a été bien aise, disant qu'il serait très bien avec nous. Celui qu'on nous avait promis l'an passé voudrait bien être maintenant avec les deux autres, mais il n'est pas encore temps de s'en charger. Il ne faut point embrasser par-dessus ses forces. C'est un plaisir de voir ces deux enfants. Ce sont mes petits écoliers. Ils commencent à lire. Ils savent prier Dieu en latin et en leur langue. Ils nous font quelquefois rire par leurs petits discours. Devant qu'ils mangent, nous leur faisons dire le bénédicité, c'est-à-dire « Donnez-moi à dîner. » Comme il voyait donner à manger à un petit chien, il nous disait qu'il n'avait point dit son bénédicité. « Je m'en vais, » dit l'un d'eux, « le dire pour lui. » Comme nous rions, son compagnon lui dit « Namae rinisionaki atimoki. » Les chiens n'ont point d'esprit, ils ne disent pas leur bénédicité. C'est affaire aux hommes seulement. Vous les entendriez allant et venant ruminer le paternoster, en prononçant tantôt une partie, tantôt l'autre, en quoi il arriva un jour une rencontre agréable. Le sieur Émery de Caen, dînant à notre maison, comme on servait sur table le peu que nous avions, l'un des enfants, regardant ce qu'on présentait et voyant bien que ce n'était pas pour lui, commence à dire par rencontre « Il ne nous soumet pas à la tentation. » Cela fit rire toute la compagnie. Le second jour de janvier, je vis quelques sauvages qui s'efforçaient de passer dans leur canot la grande rivière de Saint-Laurent. Ce fleuve, ordinairement, ne gèle point au milieu. Il charrie ou porte d'horribles glaces, selon le cours et mouvement de la marée. Ces pauvres gens abordaient de grandes glaces flottantes, les sondaient avec leurs avirons, montaient dessus, tiraient les canots après eux pour s'en aller prendre l'eau à l'autre côté de ces glaces. Quoiqu'ils soient très habiles, ils ne laissent pas de s'en noyer quelques-uns. Voyant un sauvage qui traînait sa mère après soi sur la neige, les chariots et carrosses de ce pays-ci sont des traînes faites d'écorce de bois, les chevaux sont les hommes qui les tirent après eux. Voyant donc cette pauvre vieille liée sur une selle, son fils, ne la pouvant commodément faire descendre par le sentier ordinaire d'une montagne qui borde la rivière où il allait, la laissa rouler à bas, par l'endroit le plus raide, et s'en alla la requérir par un autre chemin. Ne pouvant supporter cette impiété, je le dis à quelques sauvages qui étaient auprès de moi. Ils me répondirent, « Que veux-tu qu'il en fasse? Aussi bien s'en va elle mourir? Prends-la et la tue, puisque tu en as compassion. Tu lui feras du bien, car elle ne souffrira pas tant. Peut-être que son fils la laissera au milieu des bois, ne la pouvant guérir ni traîner après soi, s'il ne trouve point de quoi manger. » Voilà comme il soulage les malades qu'il croit devoir mourir. Il leur avance la mort par quelques coups de bazillon ou de hache quand ils ont beaucoup de chemin à faire, et c'est là par compassion. Le troisième du même mois, la femme de notre sauvage étant malade, il m'avait demandé mon canif pour la saigner. Les sauvages se tirent du sang de la tête. Étant un jour en une cabane, une sauvage regarda un écritoire que je tenais, prit dextrement le canif, sans que je m'en aperçusse, il s'en fit quelques ouvertures au haut du front. Puis, elle me le rendit. Je fus étonné, la voyant saigner. Elle me dit qu'elle avait mal à la tête et qu'elle se voulait guérir. Or, comme ils ont vu notre façon de saigner et qu'ils la trouvent bonne, la nasse me vint prier d'aider en cela sa femme. Je lui répondis que je n'y entendais rien. Et comme il voulait prendre mon canif, je lui dis qu'il attendit au jour suivant et que je prierai le chirurgien de la venir voir. Ce qu'il fit. Cependant, je l'allai visiter en sa cabane. Il faisait un grand froid. Elle était tête nue, à leur accoutumée, mordant dans un peloton de neige. C'était seulement pour guérir un gros rhume qui l'étouffait. Voilà les délicatesses du pays. Le lendemain étant saigné, il ne tarda guère à aller quérir du bois à son ordinaire. Voyez si ceux qui font profession de souffrir quelque chose pour Dieu ne doivent pas être confus, voyant de tels exemples. Nous n'avions point été solitaires tout l'hiver. Nombre de sauvages nous sont venus voir. Ils sont passés à grosses bandes devant notre maison, s'en allant à la chasse de l'orignal. Le prince et sa mère la princesse, c'est ainsi que les Français appellent un sauvage de bonne façon, vous diriez que cette famille a je ne sais quoi de noble. Et s'ils étaient couverts à la française, ils ne céderaient point en bonne mine à nos gentilshommes français. Ce jeune homme nous étant venu visiter, je lui demandai s'il avait un fils et s'il ne serait pas bien content de nous le donner pour l'instruire. Il me dit que oui. Sa mère, conduisant une petite fille, moi, croyant que ce fut un garçon, je l'appelle, disant à sa grand-mère qu'elle nous le donna. Elle se mit à rire. Me doutant que c'était une fille, je lui dis que nous ne les prenions point, mais qu'il y viendrait quelques jours d'honnêtes filles de France pour enseigner leur fille. « Alors, me dit-elle, je donnerai celle-ci. » Je prévois qu'il est tout à fait nécessaire d'instruire les filles aussi bien que les garçons, et que nous ne ferons rien ou fort peu si quelque bonne famille n'a soin de ce sexe. Car les garçons que nous aurons élevés en la connaissance de Dieu, venant à se marier à des filles ou femmes sauvages accoutumées à courir dans les bois, leurs maris seront obligés de les suivre et ainsi retomber dans leur barbarie, ou bien de les quitter, qui serait un autre mal fort dangereux. N'y a-t-il point quelques dames en France qui aient assez de cœur pour fonder ici un séminaire de filles, dont la conduite serait premièrement donnée à quelques bonnes veuves courageuses, accompagnées de deux braves filles, qui demeureraient en une maison qu'on pourrait dresser proche de cette honnête famille qui est ici? Il y a des dames dans Paris qui emploient, tous les ans, plus de 10 000 francs à leur menu plaisir. Si elles en appliquaient une partie pour recueillir les gouttes du sang du Fils de Dieu, répandues par tant d'âmes qui se vont perdant tous les jours, faute de secours, elles ne rougiraient point de honte au jour qu'elles paraîtraient devant Dieu, pour rendre compte des biens dont il les a faits économes. Cela est bien plus aisé à dire qu'à exécuter. Le 10 de janvier, le froid était fort violent. Je ne vois le jour, la plupart de l'hiver, qu'au travers des glaces. Il se fait une croûte de glace sur le châssis de ma cellule ou chambrette, laquelle tombe comme un losange ou carreau de verre quand le froid se vient à relâcher. C'est au travers de ce cristal que le soleil nous communique sa lumière. J'ai souvent trouvé de gros glaçons attachés le matin à ma couverture, formés du souffle de la laine. Et, m'oubliant de les ôter le matin, je les trouvais encore le soir. J'en ai quelquefois vu en France, mais peu souvent et bien petit à comparaison de ceux-ci. Comme nous n'avons ni fontaine ni puits, il nous faut aller tous les jours puiser de l'eau à la rivière, de laquelle nous sommes éloignés d'environ 200 pas. Mais pour en avoir, il faut fendre la glace à grands coups de hache, et encore faut-il attendre que la mer monte, car la marée étant basse, on ne peut avoir d'eau pour l'épaisseur des glaces. Nous jetons cette eau dans un poinçon qui n'est pas loin d'un bon feu. Et, cependant, il faut avoir un grand soin, tous les matins, de rompre la croûte de glace qui se forme dans ce vaisseau, autrement, en 2 nuits, tout ne serait qu'un glaçon, le poinçon fût-il plein. Un de nos Français, ayant soif dans les bois, et voulant lécher un peu de neige qui était sur une hache qu'il tenait, venant à toucher le fer, sa langue se colla et gela si promptement et si fortement que, venant à retirer soudainement la hache pour le froid qu'il sentait, il enleva, quand et quand, toute la peau de sa langue. Tout ceci m'aurait quasi fait croire, en France, que ce pays est insupportable. J'avoue qu'il y a quelques jours bien serrants et pressants, mais ils sont peu en nombre. Le reste est plus que tolérable. On se roule ici sur la neige, comme en France, sur l'herbe de nos prairies, pour ainsi dire. Ce n'est pas qu'elle ne soit aussi froide comme elle est blanche, mais les jours sont beaux, le soleil est plus chaud qu'en plusieurs endroits de France. Nous sommes, dit-on, dans le même parallèle que La Rochelle. La moindre action qu'on fait, la plupart du temps, bannit la rigueur du froid. Combien de fois, trouvant quelques collines ou montagnes à descendre, me suis-je laissé rouler à bas sur la neige sans en recevoir autre incommodité, sinon de changer pour un peu de temps mon habit noir en un habit blanc. Et encore, cela se fait-il en riant. Car si on ne se soutient bien assis sur ses raquettes, on se blanchit aussi bien la tête que les pieds. Combien de fois ai-je fait le même sur des glaces fort hautes qui bordaient la rivière sur laquelle je voulais aller. Ce fut un sauvage qui m'a appris ce secret connu de tout le monde. Il passait devant moi et, voyant que sa tête était en danger d'arriver à la rivière plutôt que ses pieds, il se laissa rouler tout du long des glaces, et moi après lui. Le bon nègre qu'il ne faut que faire cela une seule fois pour savoir le métier. J'avais peur, au commencement, car la marée montant et soulevant ses grands corps de glace, les ouvre en plusieurs endroits. Et quelques bouillons rejaillissant sur les bords de la rivière font une glace assez mince sur la plus épaisse. Quand vous venez à marcher sur cette première glace, elle rompt sous vous. Si bien qu'au commencement, je pensais que tout allait fondre, mais je ne crois pas que des canons fissent branler la plus grosse glace. Quand on vient sur le printemps, c'est alors qu'il y a du danger de rencontrer quelque ouverture qui vous fasse couler là-dessous. À suivre.